19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce magazine du métal et de ses dérivés. Donc, il va y en avoir pour tous les goûts, comme toutes les semaines. Vous connaissez l'émission, bien sûr. J'aurai des nouveautés à vous proposer qui seront au nombre de trois. Pareil, hein, les trois seront complètement différentes l'une de l'autre. Et aussi revenir un petit peu sur ce qu'il y a eu ces dernières semaines, car on a quand même une actualité assez riche. Et vous avez dû remarquer qu'on est au mois de février, qui fait très froid. Eh bien, le métal, ça réchauffe, et surtout que lorsqu'il vient du Brésil. Donc ce soir-là, tout de suite, je vous emmène au Brésil. Ça, c'est l'avantage de la radio. Sans bouger de son fauteuil, on voyage à travers le temps et l'espace. Et on va retrouver le groupe Rexor et son deuxième album For Glory and Freedom, qui est sorti en début 2022. Rexor, donc groupe brésilien qui est signé par l'excellent label français Steel Shark Records. Alors si vous aimez le bon heavy metal typé vraiment années 80, vous allez faire un tour sur leur site, vous allez pas être déçu, il y a plein de bonnes choses. Comme on va pouvoir s'en rendre compte dans les prochaines semaines, car ils m'ont envoyé des petites choses très intéressantes, donc que je vous ferai partager ces dernières semaines, donc cette semaine aussi d'ailleurs, puisqu'une des nouveautés sera de ce label. Bon, assez parlé, tout de suite, Spirit of the Dark, extrait donc de For Glory and Freedom. I saw somebody in the dark. Les Italiens de Bastet, extrait donc de leur premier album éponyme, c'était Endless Wheel. Juste avant, Compagnon d'écurie, oui, puisqu'ils sont sur le même label aussi, mais venu du Brésil, Rexor et son deuxième album For Glory and Freedom, extrait donc de l'album de For Glory and Freedom. Je voyais, j'arrive même pas à parler. Et c'était le morceau Spirit of the Dark. D'ailleurs, si vous êtes curieux, si vous avez envie de découvrir Rexor de façon plus complète, le premier album Power Earth sorti en 2014 figure en bonus sur le même CD. Avouez quand même que ça fait un bel objet. Continuons maintenant avec un des pionniers du hard rock qui est toujours en activité après plus de 50 ans de carrière et son 25e album studio. C'est Uriah Heep qui nous a sorti une fois de plus un album somptueux, magnifique. Vraiment, le poids des ans, ça se rend compte que c'est vraiment des vieux, on peut le dire, mais quand on écoute l'album, on a l'impression d'encore d'entendre un groupe jeune, frais et vraiment toujours inventif. Alors, il y a des morceaux heavy, comme vous avez eu la semaine dernière, puis Uriah Heep, c'est quand même toujours comme des grands morceaux épiques dans la lignée Deep Purple. Bon, c'est vrai que c'était la même époque. Qui a inspiré qui, on sait pas. Enfin, toujours est-il que extrait de l'album Chaos and Color, il y a un morceau qui, moi, m'a vraiment beaucoup botté. Enfin, d'ailleurs, tout l'album me plaît, mais bon, c'est difficile d'en extraire un plus que l'autre. Mais c'est le épique You Will Never Be Alone. La grande classe, ça, il n'y a rien d'autre à dire. Morceau épique de Uriah Heep, extrait donc de Chaos and Color, c'était You Will Never Be Alone. On va faire un petit tour en France maintenant, après ce petit séjour en Angleterre. On va retrouver les Not Scientists et leur troisième album Staying at the Sun que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Et on va se faire Earth Attack, un rock très classieux à la limite de la New Wave avec des choses très sympas et une très belle production. Donc extrait de Staring at the Sun, Earth Attack. Petit souci, oui, c'est des choses qui arrivent. La platine me fait un petit caprice, c'est tout simplement, elle n'a pas envie de passer le morceau suivant. Mais bon. Quand même, on va pas se laisser emmerder par une machine, quand même. Hein. Oh, on va montrer comme qui est le maître à bord. Donc maintenant, ça y est, c'est parti. À l'instant, donc, Not Scientist avec Heart Attack, extrait donc de Staring at the Sun, leur troisième album. Et maintenant, on va retrouver un groupe un petit peu laissé ces dernières semaines. C'est le premier album de Colosse, Origin, qui nous fait un mélange de rock et de pop intéressant, comme vous allez pouvoir le constater avec Coat of Arms. Vous avez fini quand même par l'avoir, cet extrait donc de Origin, le premier album de Colosse, c'était Coat of Arms. Et juste avant, c'était donc le français Not Scientist et leur troisième album Staring at the Sun, le morceau Heart Attack. Et ça fait déjà une demi-heure qu'Electric Shock a commencé. Je vous rappelle qu'Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et on va revenir à du heavy pur et dur, avec le premier album du groupe Titan's Rage, qui est sorti début novembre 2022. Alors Titan's Rage est un compagnon d'écurie de Rexor et de Bastet, donc c'est sur Steel Shark Records aussi, cet excellent label. Alors ce groupe qui existe depuis assez peu est composé donc de franco-belges, un groupe franco-belge, composé donc de vétérans de la scène belge, puisqu'on y retrouve le bassiste Guy Duvy, entre autres, qui est assez vite dans les groupes Dracar. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, ils avaient sorti un album vraiment excellent, d'ailleurs, qui avait fait partie vraiment des coups de cœur d'Electric Shock pour cette année. Whisper, Burden of Flesh, Ziel Patrol, ça vous dit quelque chose. Et le chanteur français Olivier Bourgeois, qui a chanté dans les fins des années 80 dans Rose et plus tard dans Black White. Ces noms-là vous disent peut-être quelque chose. Enfin, toujours est-il qu'on a affaire quand même à des gens très compétents, qui aiment le heavy costaud, pur et dur, à l'instar de Never Surrender, qui est le premier morceau de l'album qui a donné son titre. Voilà. C'est du heavy pur, dur, simple, sans fioritures, comme on l'aime. Voilà. Je vous invite à découvrir tout de suite. I dream of the sea beast, swimming again. Qu'est-ce que c'est bon, ça c'est une belle découverte. Worselder et leur deuxième album Redshift, et c'était Point of Divergence. Juste avant Worselder, Titan's Rage et son premier album Never Surrender, c'était donc le morceau éponyme et c'était aussi la première nouveauté de la soirée. On va revenir sur un petit EP, enfin EP qui fait quand même 45 minutes, passons, de Smith Kotzen, donc l'association d'Adrian Smith, d'Iron Maiden et de Richie Kotzen, ex-Poison, ex-Mr. Big et je ne sais combien d'albums solo. Après leur album éponyme en 2021, qui pour moi avait été vraiment une belle réussite et un de mes coups de cœur, je l'avoue franchement, et ben ils ont remis le couvert pour le Discardaire en cette même année 2021 en sortant un petit EP avec 4 morceaux inédits qui s'appelait Better Days, et ils ont décidé de le ressortir en fin d'année en CD agrémenté de 5 titres live, avec le titre par contre changé qui s'appelle Better Days and Nights. Et bah, pour ce soir, j'ai choisi un des moments forts de l'album éponyme, c'est la version de Scars en live. How you bounce back to a song called Scars. Sometimes I feel like a head in the sky. régal, hein, comment les guitares et les voix des deux s'entremêlent. Bref, une belle réussite. Smith Kotzen, une belle association. Donc, extrait du Better Days and Nights. C'était donc une belle version de ce morceau Scars. Si on revenait maintenant à une joyeuse tarée que je vous avais présentée la semaine dernière, Lucy Sue et son premier album To Sing in French, comment à 40 ans envoyer tout promener et se lancer vraiment de la musique en proposant un mélange de rock, de pop, de punk, de plein de choses. D'ailleurs, Lucy Sue, pour la petite histoire, elle a comme postulé pour être bassiste chez Steel Panther quand même, vous voyez comme quoi la fille, elle en a. Extrait donc du premier album To Sing in French, un morceau avec des jolies paroles qui s'appelle Lick Your Teeth. Thank you. Les Lyonnaises de The Foxy Ladies. Eh ben oui, ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas passé. Il faut dire que j'ai presque passé tout l'album depuis sa sortie au mois d'octobre 2022. Donc extrait de Not Sorry, c'était le morceau Lonely Bones, juste avant Lucy Sue et son premier album To Sing in French. Vous avez eu le morceau Lick Your Teeth. Après ce petit passage, pop musclé, on va changer complètement une fois de plus de registre. On va se faire du beau rock progressif. Pour ça, on va revenir à l'album live de Z-Tangent, sorti fin janvier, qui s'intitule Pyramid Stars and Other Stories, Z-Tangent's Live Recording 2004-2017. Ouf, je l'ai dit sans bafouiller. Et on va se faire un petit morceau qui s'intitule The Canterbury Seconds, qui est un hommage donc à la scène progressive des années 70 de Canterbury. On pense à Caravan, Soft Machine et consorts. Bref, c'est le petit hommage d'Andy Tillison et sa bande à cette musique qui a dû bercer leur jeunesse. I seem to spend my whole life shouting, perhaps I should be cool. Dance the caravan or happiness, like I used to do at school. Trade innocence and humor through a woman on a bike ride in the sun. My bicycle and I, we missed the party back in 1971. Thank you. Canterbury Seconds, donc hommage donc à la scène de Canterbury par The Tangent, extrait donc du live Pyramid Stars and Other Stories, The Tangent's Live Recordings 2004-2017, sorti fin janvier. On va se faire la deuxième nouveauté de la soirée avec un live également, mais alors là d'un registre complètement différent, avec une légende du punk, puisqu'on va se faire un live de Angelic Upstart. Oui, c'est la première fois qu'on passe du Angelic Upstart dans Electric Shock. En fait, je dois vous dire que bah, samedi, lorsque je me promenais dans une boutique multimédia rue de la République en regardant les éventuelles nouveautés qu'il y avait, j'ai été surpris de voir en nouveauté donc un live d'Angelic Upstart. Donc je ne savais pas encore que ce groupe existait encore. Enfin, je savais que ce groupe était séparé, reformé, je ne sais combien de fois. Je ne sais même plus d'ailleurs s'il était encore en activité ou pas. Et je m'étais dit, tiens, que ce serait peut-être l'occasion d'avoir un bon best-of, donc, comme ça, du groupe. Et en préparant l'émission, je me suis aperçu aussi que, ben, le groupe maintenant, malheureusement, paie à son âme, puisque le chanteur légendaire et seul membre d'origine Mency, a passé l'arme à gauche en décembre 2021, sans que j'en sache quoi que ce soit. Donc voilà. Donc cet album qui est sorti, je crois, apparemment, l'année dernière, il s'appelle Fiesta La Masse 2016. Il a été enregistré à Rennes, donc, en octobre 2016. Donc on va se faire deux petits brûlots. Tout d'abord, You're Nicked. To all the girls I've loved before, Sit here, man! bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez bien Electric Shock, l'émission qui frappe et qui grille les neurones. Bon, là, on s'en est grillé quelques-uns avec une légende de punk rock britannique, Angelic Upstarts, extrait de leur dernier live, Fiesta La Masse 2016, à mon avis, live posthume. Sorti fin 2022. Safe Haven et Your Nicked étaient donc les deux morceaux de ce soir. Avouez que vous ne trouverez pas une émission plus éclectique qu'Electric Shock. Vous voyez, juste avant Angelic Upstarts, on a eu The Tangent, on a eu Ria Hip, on a eu du Heavy, enfin on a plein de choses. C'est l'éclectisme, c'est Electric Shock, c'est Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Et bien maintenant, après Angelic Upstarts, on va revenir aux Parisiens de Not Bad et leur premier album Spook Up Your Life. Après avoir passé des années à peaufiner leur hymne macabre et bombastique, les Parisiens d'Outre-Tombe sont revenus, sont enfin sortis. Et ça va faire trembler dans les chaumières avec Pussy Poker et la petite intro « Hello, did that groove ?» Oui. Yeah. Quelqu'un là. Mais, madame. Et oui, vous avez reconnu le classique de Britney Spears repris de façon Oops, I Did It Again, repris par Children of Bodom sur son album de reprise Skeletons in the Closet, sorti en 2019, où on pouvait y retrouver des reprises plus conventionnelles de metal comme Aces High d'Iron Maiden, on pouvait y retrouver Don't Stop at the Top de Scorpion, Alice for Children de Pat Benatar, Somebody Put Something in My Drink des Ramones, Massive Hypnosis de Sepultura, et j'en passe, et des meilleurs. Children of Bodom, si vous êtes fan, sachez que normalement, cette année devrait sortir un live posthume, qui a été enregistré lors de la dernière prestation en 2019, juste avant que le groupe ne split et qu'avant que le regretté Alexis Leyou ne fonde Bodom After Midnight, son autre projet qui n'a pas eu le temps de faire grand chose, hélas, puisque celui-ci n'est plus de ce monde. Juste avant Children of Bodom, c'était les autres iconoclastes, les Parisiens de Not Bad et leur premier album Spook Up Your Life. On a eu le morceau Pussy Poker et la petite intro Hello Did That Groove. 20h24, et oui, on va bientôt attaquer la dernière demi-heure, et va se faire la troisième nouveauté de la soirée. Alors là, dans un registre complètement différent, je vous invite à faire un voyage à quelque chose de plus aérien, de beaucoup plus léger, un univers à la limite de l'électro-pop-rock, avec quand même de belles fulgurances électriques, c'est un mélange de tout ça. Ça s'appelle Sika, c'est leur premier album, il s'appelle It's Time, il est sorti la semaine dernière. Et je dois avouer qu'en faisant des recherches, quand j'ai préparé l'émission, Sika, c'est de chez nous, c'est orléanais. Et vous avez peut-être eu la chance de les voir au Dropkick, c'était le 18 février dernier, où ils ont présenté ce premier album. Et donc c'est un mélange envoûtant, où il y a plein de choses, entre, on pense à Kate Bush, Massive Attack, Björk et plein d'autres choses. Moi je dois avouer que quand j'ai écouté l'album, j'étais quand même bluffé par la production. Malgré qu'il y ait quand même beaucoup de machines, j'ai trouvé que c'était très organique, très bien. Et je pense qu'il devait y avoir sur scène un côté plus rock, plus métal malgré tout. Et j'ai un scoop pour vous, Sika sera invité d'Electric Shock, pas la semaine prochaine, mais le 14 mars, donc notez bien ça dans vos agendas. Et bien en attendant, on va découvrir un extrait de ce premier album avec le morceau « We All The Same ». Leur cinquième album Deviant, c'était Retour au réel. Juste avant, c'était le premier album de Sika, It's Time, avec We Are The Same, et c'était également la troisième nouveauté de la soirée. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vous rappelle que dans 15 jours, Sika sera invité d'Electric Shock, où on va pouvoir discuter d'un peu de tout ça et de plein de choses. Eh bien, on attaque la dernière demi-heure d'Electric Shock est maintenant bien entamée. Et on va continuer, bah tiens, en regardant les concerts, je me suis aperçu que le groupe hollandais The Wolf était en concert ce soir à Paris à la Maroquinerie. Oui, je sais, c'est un peu tard si vous voulez y aller. Mais bon, comme j'adore ce groupe, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de revenir dessus. Si vous aimez le rock 70s, Deep Purple, bah vous allez être comblés. Je sais que j'ai eu l'occasion de les voir, c'était en 2018 je crois, et j'ai été épaï parce que rien qu'à les voir déjà au niveau... Pourtant ils sont tout jeunes, hein, ils ont à peine 30 ans. On croirait vraiment aux années 70 parce que les chemises appellent à tarte, les pantalons pas de def, tout ça. Et musicalement, on est en plein Deep Purple, mais Deep Purple dans les années 70, puisque les morceaux, je dois avouer que j'ai eu du mal à reconnaître ce qu'ils jouaient tellement il y avait des jams dans tous les sens. On est vraiment l'esprit de cette époque-là. Donc, extrait de cet album, d'un album live sorti en 2019, Live and Out of Sight 2. C'était leur deuxième live. On va se faire le morceau Big Talk. Yeah. same old center thing. But high on your ladder, you can't just take a swing. Let me count your way. You see, you're real problems, they need real sound, man. And not your big top feelings coming in my mind. Heard about the truth, it's gonna come for you. It's gonna push you around. Now before you turn. Oh, Sugar Moon et Big Talk, donc deux extraits du Live Live and Out of Sight 2 sorti en 2019, et The Wolf qui est en concert actuellement à la Maroquinerie à Paris. Eh bien, je vais vous raconter ma vie maintenant, parce que quand j'étais en train de préparer l'émission l'autre jour, à un moment où je faisais une pause, je regardais le programme télé, savoir ce qu'il y avait éventuellement d'intéressant à regarder dans la semaine. Et quelle ne fut pas ma surprise en voyant que mercredi soir, donc demain, sur la 14, vous savez, il y a souvent des concerts qui sont retransmis et des tas de choses. Enfin, très rarement, on a des concerts de rock. C'est souvent que d'ailleurs, je m'intéresse pas tellement à la chose. On a eu, bon, Sting à Chambord, on a eu Bruce Springsteen, des choses comme ça quand même, malgré tout. En ce qui nous concerne, on a eu, je crois, me souvenir d'une diffusion du concert de Deep Purple en 2017 au Hellfest. Et là, j'ai vu que Iggy Pop serait donc diffusé, un concert d'Iggy Pop serait donc diffusé demain soir sur la 14. Il s'agit du concert que Liguane a donné au Festival Rock en Seine en 2016. Alors je m'étais dit, bah tiens, bah, c'est peut-être l'occasion de passer du Iggy Pop ce soir. Alors, je n'ai pas le dernier album, qui paraît-il est vraiment excellent, où Liguane revient à son beaucoup plus rock, contrairement à ses derniers albums. Enfin bon, maintenant, avec la carrière qu'il a, qu'est-ce qu'il a à prouver ? Je crois que s'il a envie de se faire plaisir, c'est le moment. Liguane sait avoir sur scène, et c'est pour ça que je me dis, tiens, on va se faire un petit extrait du live qui était sorti il y a de ça bah, 2 ans, en pleine pandémie, du fabuleux concert de l'Olympia de 91, qui à l'origine était disponible en VHS, puis plus tard en DVD. Il était sorti en vinyle pour le Discard Day, en 2021. La maison de disques a décidé de le ressortir également en double CD. Donc, extrait de ce concert fabuleux, on va se faire un des classiques de Liguane, c'est tout d'abord le Lust for Life. I hate this fucking world. Balcony. And she's imagine le classique des Kingsmen, Louis Louis, maltraité, repris de façon destroy et virile par Iggy Pop sur le live Olympia Paris France 1991. Et voilà, donc c'était le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine où j'aurai bien sûr d'autres nouveautés à vous proposer. D'ici là, portez-vous bien, écoutez Plein de Métal et Radio Arc-en-Ciel. Bien évidemment, je vous dis à mardi. Bonne semaine à vous. Salut à tous. RDP International. Longe da vista, perto do coração. Boa noite, são 8 horas no continente e na Madeira, são 7 nos Açores. Lisboa recebe com preocupação a notícia do encerramento da urgência pediátrica do Hospital de Loures durante a noite. O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central avisa que esta decisão vai desviar cerca de 200 casos diários para o Dona Estefânia e para outros hospitais. Quem está a ganhar é o Estado. A Confederação dos Agricultores de Portugal garante que não há responsabilidade dos produtores na subida dos preços dos bens alimentares e desafia o Governo a passar uma parte da receita com impostos para o bolso das famílias. Criar uma nova lei para os metadados é essa a proposta avançada pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, depois de mais um caso na Justiça que envolve o uso de dados de comunicações para efeitos de investigação criminal. Amanhã conte outra vez com um dia frio. Nas previsões há também aguaceiros para o extremo norte do país, que serão de neve acima dos 800 metros de altitude. Nos Açores há sol e nuvens à mistura, aguaceiros durante a madrugada. E na Madeira, dia cinzento também com chuva, sobretudo à tarde. Agora, temperaturas a descer, 9 graus em Lisboa e no Porto, estão 12 em Faro, 17 tanto no Funchal como em Ponta Delgada. Edição 18 com Nuno Rodrigues. O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central não esconde a preocupação com a notícia do encerramento da urgência pediátrica do Hospital de Loures durante a noite, uma medida confirmada hoje pelo Ministro da Saúde. Numa nota escrita enviada à Antena 1, o Centro Hospitalar de Lisboa em Central explica que a urgência pediátrica do Beatriz Ângelo é uma das mais frequentadas e que a decisão de fechar o serviço durante a noite vai desviar cerca de 200 casos diários para o Dona Estefânia e para outros hospitais, numa altura em que as equipas médicas e de enfermagem que trabalham em condições já muito exigentes dão sinais de desgaste. O presidente da Câmara de Loures já tinha classificado como inadmissível o encerramento noturno da urgência pediátrica do Beatriz Ângelo. Ricardo Leão lembra que este hospital serve pessoas de vários concelhos. Este hospital é um hospital que não serve só Loures, serve um conjunto de outros concelhos. Compreendo a situação de não haver, digamos, médicos para se garantir uma abertura das urgências, mas é algo que a mim me preocupa, porque estamos a falar aqui de centenas de milhares de pessoas que são servidas por este hospital. O presidente da Câmara de Loures vai pedir uma reunião com o Ministro da Saúde para contestar a decisão de fechar a urgência da pediatria do Hospital Beatriz Ângelo durante a noite, já a partir de amanhã. O Ministro Manuel Pizarro explicou hoje que a alteração está incluída num plano que abrange todas as urgências da pediatria do Serviço Nacional de Saúde. A Ministra da Agricultura garante que o Governo está atento e admite avançar com novos apoios aos agricultores, numa altura em que a taxa de inflação em Portugal continua acima dos 8% e com os preços dos bens alimentares cada vez mais altos. Maria do Céu Antunes promete analisar novas medidas, até porque os impactos da inflação neste setor são, por norma, mais prolongados. Estas situações, nomeadamente inflacionistas, estas crises no setor agrícola, não passam tão rápido quanto outros setores, porque estamos a falar de culturas, estamos a falar de animais, em que os ciclos de produção são muito mais longos e, portanto, que demora muito mais mais tempo a passar. Mas é preciso travar o quanto antes, porque nos últimos meses continua a subir. O que é possível fazer? Pronto, para neste momento o que estamos a fazer, e vamos estudar isso mesmo, é se as medidas que já tomamos, nomeadamente para apoiar os agricultores, são suficientes, e de que maneira é que os preços à produção estão a ser justos em função de toda a cadeia até ao consumidor. Para cumprir essa tarefa, o Governo criou em outubro do ano passado o Observatório de Preços para vigiar os custos e preços do setor alimentar, mas esse mecanismo não está ainda em funcionamento. A Ministra da Agricultura espera que isso possa acontecer até abril. Espero sinceramente que durante este próximo mês possamos ter já os primeiros dados. Mesmo que não consigamos ter tudo e que não vamos conseguir, mas que consigamos ter para o cabaz. Mais tarde vamos avançar para uma informação mais generalizada, mas para um cabaz tipo de uma família típica em Portugal, e com base nisso nós podemos fazer essa avaliação. Ministra da Agricultura, ao final da tarde, à margem de uma iniciativa em Lisboa, no dia em que o Instituto Nacional de Estatística adiantou que os dados da inflação mostram que os alimentos estão cada vez mais caros no país, a subida de preços já ultrapassa os 20% em relação ao mesmo período do ano passado. A Confederação dos Agricultores de Portugal garante que não há responsabilidade dos produtores nesta subida. Luís Mira, o secretário-geral da CAP, acrescenta que é o Estado que sai a ganhar com o negócio, já que não abdica da receita em impostos. A gente só quer ver quando sobe mais o preço dos produtos, não havia razão. E o gás natural subiu 113% face àquilo que era há um ano atrás. É o país da Europa onde mais subiu, mas com grande diferença. E depois tem aqui sempre o IVA a castigar tudo isto e todas as outras taxas, não é? Veja que neste carrossel inflacionista, quem saiu a ganhar foi o Estado. Teve mais receitas. Não podem agora vir pedir ao produtor ou vir responsabilizar que é o produtor é que está a ganhar com o negócio. Pois não é. Aqui, acho que no meio disto tudo, quem ganha mais é o Estado.